quand je ne sais pas ce qu'il faut dire, j'ouvre la bouche et je fais ce n'est pas facile à dire. Tantôt c'est tantôt c'est et comme éléphant, c'est plus amusant.